belle histoire, Xavier Mauduit. Paris, une capitale au pluriel. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde malgré l'obscurité profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, voilà ce que Paris, Maurice Chevalier en 1939. Mais déjà, Paris fut-il toujours Paris? D'ailleurs, quel Paris? Quel Paris? Paris avec un S, oui, une capitale des capitales. Bonjour Christophe Charles. Bonjour Xavier Mauduit. Pourquoi avoir mis un S à capitale sur le titre de votre livre Paris, capitale des 19e siècle? Eh bien, c'est un peu parce que, comme vous venez de le dire, c'est une ville où il y a plusieurs formes de domination qui s'expriment. À la fois, bon, la capitale politique, c'est évident, mais elle a la différence de beaucoup d'autres capitales européennes. Elle est aussi capitale intellectuelle, capitale scientifique, capitale musicale, capitale théâtrale, capitale économique, capitale financière, capitale symbolique, c'est-à-dire toute l'histoire de France, d'un certain point de vue, s'y trouve rassemblée au fil des siècles, au moins depuis le Moyen-Âge. On l'a bien vu au moment de l'incendie de Notre-Dame, cet événement qui, dans une ville ordinaire, aurait fait bon un peu de bruit, mais enfin, à Paris, c'est devenu un événement mondial. Donc, il y a une dimension vraiment spécifique de cette capitale qu'on peut difficilement trouver comme équivalent ailleurs, parce que même s'il y a de beaucoup plus grandes villes en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Mexique, ces villes n'ont jamais absorbé autant toute l'énergie finalement de la nation et n'ont jamais autant attiré à l'extérieur. Et au 19e siècle, c'est particulièrement vrai pour Paris qui est une sorte d'exemple, de phare, de modèle, mais aussi parfois de repoussoir dans certains événements par rapport au reste de l'Europe et même parfois du monde. Au moment de parler d'ailleurs du 19e siècle, sur le titre de votre ouvrage, Christophe Charles, Paris capitale, donc avec un S dès 19e siècle. Et là aussi, pourquoi ce pluriel à 19e siècle? Parce que quand on regarde, puisque je suis un plan historique classique en plusieurs étapes, on voit bien qu'il y a des mutations de cette ville et que les différentes parties du 19e siècle ne lui posent pas les mêmes questions et elle ne les résout pas de la même façon. Dans la première partie, on est dans un moment de crise urbaine, très profonde, et les gouvernements sont même un peu dépassés par ces crises, ce qui explique d'ailleurs les révolutions successives, les émeutes, etc., les épidémies. Et puis, il y a une deuxième grande phase que vous connaissez mieux que personne, puisque c'est le Second Empire, où on a au contraire un retour à l'ordre, une remise en ordre, une organisation systématique, hein, c'est ce qu'on a appelé l'haussmannisation, et donc on crée une nouvelle capitale à l'intérieur de Paris qui ne malheureusement, on ne répond pas à tous les problèmes puisqu'il y a certaines parties qui sont laissées un peu de côté. Et puis, il y a la grande rupture de 1870-71 avec la guerre, la commune, le siège. Et tout ça, de nouveau, rebat les cartes puisqu'on a un nouveau régime politique qui est un régime moins autoritaire que le Second Empire, mais qui donne beaucoup plus d'importance à la province puisqu'on est dans un régime parlementaire et donc la majorité maintenant a basculé du côté de la province, et du coup Paris doit redéfinir son rôle, être toujours la capitale, mais évidemment pas aussi prestigieuse, pas aussi massive qu'elle pouvait l'être sous le Second Empire, où le prince voulait faire de cette capitale l'illustration de sa politique et de sa grandeur. Donc on voit bien trois phases, et donc c'est pour ça que je me semblais que mettre ces trois 19e siècles l'un à côté de l'autre, c'était aussi explicatif des formes différentes de domination de Paris selon les époques. Et au moment d'ailleurs de s'emparer d'un tel objet, Paris, nous avons le personnage essentiel de nombreux livres, Paris et le personnage. Mais vous, Christophe Charles, dans votre approche d'histoire sociale, cette ville est habitée. Oui, non, j'ai pas voulu faire une histoire uniquement monumentale ou une histoire patrimoniale ou une histoire politique. J'ai voulu évidemment parler des Parisiens et des Parisiennes autant que possible parce que, bien sûr, ce sont eux aussi qui ont fait cette ville, parce qu'ils y viennent, hein, ils y viennent en très grand nombre. C'est le grand moment d'arriver des masses de Français qui viennent à Paris pour travailler, pour étudier, pour apprendre ou pour se perfectionner. Et c'est aussi un moment où il y a d'intenses luttes entre eux, puisqu'ils s'agit de se faire entendre dans la mesure où Paris a été toujours soumise pendant de longues périodes du 19e siècle à un régime exceptionnel par rapport aux autres villes. Elle n'a pas une autonomie comme l'ont certaines autres grandes villes de province. Et du coup, il y a une nécessaire construction d'un espace public particulier pour pouvoir se faire entendre en tant que Parisien et Parisienne. Et c'est un débat qui court tout au long du 19e siècle et même qui durera jusqu'à la recréation de la mairie de Paris en 1977. Donc il y a des enjeux évidemment de la ville, de l'urbanisme, mais il y a aussi des enjeux de société, de rapport de force entre les groupes sociaux et de politique évidemment. Et au moment de s'intéresser à l'histoire de Paris, Christophe Charles, le piège est évidemment, vous l'avez rappelé, hein, par la proximité de cette ville et du pouvoir, de raconter l'histoire de France. Comment avez-vous échappé à cela? Parce que vous y avez échappé. J'y ai échappé, mais en même temps, on peut pas la mettre entre parenthèses, puisque c'est très très intimement lié. Quand on parle de la Révolution de 1830, on est à la fois dans l'histoire de Paris, puisque ça se passe principalement à Paris et que ça a des effets sur Paris, mais ça a aussi des effets évidemment nationaux. De la même façon, en 1848, les deux histoires locales et nationales sont totalement liées. Pour le siège de Paris, évidemment, nous sommes dans un conflit international avec l'Allemagne, mais nous sommes aussi dans des luttes internes entre différents pouvoirs qui se disputent la ville. Donc, il fallait faire des focalisations sur ces moments très particuliers où il y a un lien intime. Et puis il y a d'autres moments où évidemment il y a une autonomie des processus parce qu'on est dans une ville qui a une taille particulière, donc on ne peut pas la comparer à ce qui se passe dans des villes de province plus petites, parce qu'il y a aussi une attractivité internationale qui évidemment n'a pas d'équivalent et qui ne rencontre pas uniquement l'histoire nationale, mais qui rencontre aussi une image collective à l'extérieur de la ville et qui souvent déteint sur l'image de la France. Souvent, les étrangers voient la France à travers Paris. Et évidemment, c'est un point de vue déformé, mais c'est quelque chose dont il faut prendre son parti et dont il faut tenir compte. Et puis dès lors, eh bien, s'imposent des expressions comme « monter à Paris ». Je peux dire que j'ai passé toute mon enfance en Bretagne avec un seul désir très précis, c'était de monter à Paris. C'est une chose qu'on ne peut pas du tout imaginer en 1976. En 77. En 77, oui. Soyons précis. En 77, c'était à quel point la France était isolée. Je veux dire, chaque département avait sa vie propre et correspondait très très peu avec le reste de la France. Pour vous donner un exemple, mon oncle était bonnetier et on considérait que pour que la mode parisienne atteigne la ville de Vannes, il fallait 2 ans. Donc, mon grand-père, lui, habitait Paris, et je passais environ une dizaine de jours à Pâques et une autre dizaine de jours à Noël à Paris. Et je peux dire que je passais le reste du temps à Vannes à attendre ces 10 jours. Pour moi, Paris était une espèce de paradis, peut-être à cause des tramways, peut-être à cause du métro, peut-être à cause de jardins comme les buttes Chaumont. Voilà, c'est Alain Resnais, hein, le cinéaste, qui s'exprimait en 1977. Hein, Jacques Chancel dans Radioscopie le corrige. Oui, c'était 1977, l'année où Paris se dote d'un maire. Avec cette expression, Christophe Charles, qui traverse le temps, monter à Paris. Quelle est la signification d'une telle expression quand on se place au 19e siècle? On peut prendre l'exemple très célèbre et qui d'ailleurs vient d'être remis à l'honneur avec le film d'Illusion perdue de Balzac, où on voit évidemment ce jeune poète qui est devenu une célébrité locale dans sa ville, mais qui comprend que s'il veut devenir vraiment un grand poète, puisque évidemment le modèle c'est les grands poètes romantiques à l'époque, il faut qu'il vienne à Paris, parce que c'est là qu'on acquiert la réputation. Alors c'est la même chose pour ceux qui font des études, puisque Paris concentre un très grand nombre de facultés, d'écoles, etc., et de grands lycées. Et donc, toutes les familles bourgeoises ou de classe moyenne qui souhaitent que leurs enfants montent dans la société les envoient en internat ou les envoient en pension dans la capitale pour atteindre le plus haut degré de réussite. Ça, c'est un modèle qu'on rencontre dans tous les romans du 19e siècle. C'est un phénomène d'attractivité. Mais il y a aussi, évidemment, le fait que c'est le plus grand marché de main-d'œuvre de la France. Par exemple, mes ancêtres qui étaient charpentiers sont venus à Paris parce que c'est là qu'ils trouvaient du travail. On était en train de construire de nouveaux quartiers et ils y sont restés, etc. Donc, il y a toute cette accumulation d'atouts qui fait que pour un provincial ou une provinciale ambitieux, il faut aller dans la capitale si on veut connaître la meilleure réussite. Ça ne veut pas dire qu'on la connaîtra, mais c'est l'espoir, un peu comme aux États-Unis, la Californie, enfin des lieux comme ça qui attirent des nouveaux talents ou des nouvelles ambitions. Et ça, c'est un modèle qu'on trouve dans la littérature, mais qui peut être démontré par des analyses démographiques, par des analyses sociales et par des exemples de vie réussis ou ratés d'ailleurs, puisqu'il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout du processus. Oui, c'est vrai, hein, faut le dire aussi, parce que l'on voit souvent les réussites, il y a l'échec. Et... Bah, illusion perdue d'ailleurs, le titre l'indique. Et oui, les illusions sont perdues. Christophe Charles, Paris, capitale des 19e siècle, qui vient d'être publié, justement, commence, et vous l'avez évoqué, par ce parcours personnel familial. C'est toujours très intéressant au moment où tout le monde réfléchit à qui l'on est, où l'on est dans cette société, la question d'être parisien. C'est une question extrêmement complexe, en fait. Être parisien n'a pas grand sens sur une longue continuité généalogique, c'est plutôt un ressenti. Alors surtout, ce que j'ai découvert dans ma famille, c'est que à la fois il y a des gens qui sont partis vers Paris, puis d'autres qui sont revenus. C'est-à-dire, par exemple, mon grand-père, il a fait une partie de sa vie professionnelle à Paris pendant 25 ans, puis au moment de la retraite, il est revenu dans la région d'origine de sa femme, parce qu'il se trouvait mieux pour la retraite là. Donc, et ça, je pense que c'est un processus qui est très général. Il y a des allers-retours, et effectivement, on a été parisien, puis on ne l'est plus, et on n'a pas forcément envie de devenir définitivement parisien. Alors qu'une autre branche de ma famille, au contraire, elle s'est enracinée très longtemps et n'est pas revenu en arrière. Donc, je pense qu'il y a toutes ces attitudes. Et puis, il y a aussi la différence selon les parties de la ville, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même des contrastes sociaux tout à fait considérables à l'intérieur du Paris du 19e siècle. Et évidemment, vivre dans les quartiers populaires, dans les nouveaux quartiers que Haussmann crée, dans les beaux quartiers de l'Ouest, c'est évidemment pas du tout la même façon d'être parisien. Oui, parce que ce Paris est un Paris complexe, Christophe Charles, et c'est pour ça que ce capital est au pluriel, parce qu'il y a toutes ces formes de capital, culturel, économique, etc., politique évidemment, mais à l'intérieur même de la capitale, il y a une géographie, et puis il y a une géographie sociale, mais qui se décline de mille facettes. C'est cette géographie-là que vous analysez, que vous traversez, et c'est super pertinent d'ailleurs de voir comment l'historien réfléchit à la narration d'un objet aussi complexe. Oui, alors c'est là où demain la taille de la ville rend le travail difficile, parce que ce qu'on dit pour un quartier ne sera pas vrai pour un autre. Ça change dans le temps, hein. Des quartiers qui étaient très prestigieux, par exemple le Palais Royal dans la première partie du 19e siècle, sont un peu en déclin dans la deuxième partie. Des quartiers qui n'existaient pas ou qui étaient encore très largement ruraux, comme l'arrondissement où nous sommes en ce moment même, hein. Passy, c'était encore beaucoup de jardins, beaucoup de parcs, beaucoup de même d'usines, hein. On n'imagine pas que Passy pouvait être un lieu où il y avait des usines, mais enfin c'était un faubourg. Et évidemment aujourd'hui c'est tout à fait autre chose, et ce processus de transformation s'est opéré au cours de la période que j'étudie, avec le rattachement de Passy au centre, et puis ensuite la construction de tous ces nouveaux immeubles bourgeois qui remplacent les jardins, qui remplacent les parcs, plus les hôtels particuliers aussi qu'on crée et qui peuplent par exemple des avenues comme l'avenue Foch. Avec cette recomposition de Paris durant ce qu'on appelle le Second Empire, le règne de Napoléon III, avec un personnage évident à citer, Haussmann. Il y a 100 ans, le Parisien de 1866 était beaucoup plus à plaindre. Le Paris d'alors ressemblait à un vaste chantier. Le responsable, le voici, le baron Georges Gène Haussmann, que l'empereur Napoléon III avait chargé de transformer complètement la moitié de la capitale. Entreprise gigantesque qu'Haussmann entame en 1853. Il est alors âgé de 44 ans, et pendant 17 ans, des centaines de taudis des quartiers insalubres vont tomber sous les pioches des démolisseurs. Des avenues larges et aérées vont être tracées. Le Paris d'aujourd'hui prend forme ici vers la Comédie-Française, mais tout cela dans un concert de protestations, d'accusations, Et si les Parisiens doivent beaucoup à Haussmann, ils doivent beaucoup aussi aux Parisiens du siècle dernier qui, pendant 17 ans, n'ont pas reconnu leur Paris. Ils n'ont pas reconnu leur Paris. C'est dans le journal de Paris, en 1966, qu'il est question du baron Haussmann, donc un siècle plus tôt. Intéressant, cette discordance des temps, Christophe Charles, pour reprendre une expression que vous maniez. Bah, justement, hein, vous avez écrit cette discordance des temps. Et c'est quoi, en fait, aussi, essayer de comprendre Paris en se plaçant au niveau de l'individu, parce que tout le monde ne perçoit pas le même Paris au même moment? Non, c'est évident, et c'est pour ça que j'ai tenu dans le livre à mettre des petits extraits de mémoires, de souvenirs, d'articles de presse ou d'enquêtes sociales de l'époque pour donner un peu le vécu des individus singuliers et pas simplement voir les choses d'en haut et de loin comme font souvent les historiens. Et c'est vrai qu'il y a un contraste entre, disons, l'image un peu fastueuse du Second Empire haussmannisé avec ses grandes expositions universelles, avec cette belle société qui se prélasse au bois de Boulogne, etc. Et puis ce que le Parisien moyen vit, parce que c'est un chantier. Et donc le chantier, ça veut dire des nuisances sonores, de la pollution qui sort parce qu'on excave des choses qui ont été enfouies sous les immeubles. C'est les rats qui se déplacent, évidemment, puisqu'on les dérange. Et puis, il y a évidemment l'accumulation des problèmes particuliers, parce que les immeubles disparaissent, mais il faut en construire d'autres, ça prend du temps. Entre-temps, il faut trouver d'autres logements. Les loyers augmentent parce que les nouveaux quartiers propose des loyers plus chers que ceux qu'il y avait avant, et même quelqu'un d'aussi prestigieux que Berlioz se plaint dans sa correspondance qu'il est obligé de changer de rue parce que son propriétaire a doublé son loyer et qu'il ne peut plus faire face. Donc il y a toute cette nuisance quotidienne. Évidemment, il ne s'agit pas de tomber dans le larmoyant ou le pathétique, mais c'est pour redonner un peu ce que c'est que des grands travaux. C'est pas indolore, et on connaît ça en ce moment même avec la construction du Grand Paris, où évidemment les riverains des nouvelles voies souterraines qu'on est en train de construire subissent les aléas de ces nouvelles excavations et constructions. Donc il faut essayer de montrer tous ces aspects qui sont concomitants et qui créent évidemment cette discordance des temps entre la façade et puis les fondements. Et dans cette discordance des temps, d'ailleurs, au moment où Haussmann refait Paris, reconstruit Paris, mais non, il y a tout le Paris du passé qui est encore présent. C'est un jeu sur le temps constant. Absolument, dans la mesure où évidemment il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va détruire cette église pour faire passer la rue, ou est-ce qu'on va contourner l'église? Est-ce qu'on va laisser ce square, ou est-ce qu'au contraire on va faire une nouvelle rue? Est-ce qu'on va laisser le Luxembourg? Je pense qu'il y a un passage dans le livre de Monsieur Cisco qui en parle. Vous savez, la construction de l'avenue de l'Observatoire, ça a été à la fois quelque chose de prestigieux, mais en même temps ça a détruit une partie de ce qu'on appelait la pépinière, c'est-à-dire un espace vert, et les étudiants de l'époque sont venus manifester à l'Odéon, parce que Napoléon III était venu en criant la pépinière, pour reprocher au souverain cette atteinte, alors ce qu'on appellerait aujourd'hui l'environnement, mais là ce qu'on appelait à l'époque simplement un parc. Oui, c'était déjà essentiel, c'est vrai, les buts de chemin, etc., a pu être une révolution pour les Parisiens. Avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture, Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous publiez Capital. À propos de Paris. Alors là, Capitale n'a pas de S, mais c'est très intéressant parce que dans cet ouvrage publié au Cerf, c'est un jeu sur la balade, hein, le Paris d'aujourd'hui, mais sur l'histoire, avec énormément de clins d'œil, de références au passé, de citations et de textes. Quelle était cette balade, Jonathan Sixou? La balade, c'est la balade de tout promeneur, je le dis très humblement, tout promeneur habité, tout promeneur inspiré, et qui souhaite savoir où il met les pieds, savoir où il chemine, savoir pourquoi le paysage urbain est telle forme. Et quand on apprend, quand on s'intéresse un peu à ce paysage, à sa ville, et à savoir où on habite et où on chemine, quand on apprend qu'il a été différent, alors qu'on est dans une rue qui nous est familière, et qu'on apprend que non, il n'en a pas été ainsi du tout, et pendant bien plus longtemps qu'on le croit, eh bien, on cherche, on gratte, on fouille, et Capital, avec un E, effectivement, donne un peu ce rendu-là, savoir lire les plaques qui sont fichées dans les façades d'immeubles inspire aussi à lire, à se renseigner sur les illustres personnages qui ont habité parfois soit dans son propre immeuble, soit à quelques encablures de chez soi. Et puis justement, sur cet ouvrage, ouvrage, Jonathan Sixou, Capital, il aurait fallu un point d'exclamation, mais en réalité il y est, parce qu'il y a cette tour Eiffel illuminée. C'est une tour Eiffel de Brassailles qu'il a photographiée pour les 30 ans de la tour Eiffel en 1929. Et c'est les illuminations de Fernand Jacopozzi, dont je rappelle l'existence, qui a été un ingénieur électricien absolument extraordinaire, oublié aujourd'hui, qui avait inventé durant la Première Guerre mondiale un leurre lumineux du côté de Villepinte, au nord de Paris, pour détourner les avions bombardiers allemands. Et dans les années 20, il devient le roi de l'enseigne lumineuse. On vient du monde entier pour admirer les illuminations des grands magasins, des cinémas et de la Tour Eiffel. Il s'adjoint le mécénat de Monsieur Citroën des années 20 aux années 30, puisqu'il meurt en 32. Et chaque année, des illuminations les plus fantaisistes qui soient. La couverture avec la photo de Brassailles en est un exemple. Oui, parce que vous venez de le dire, Jonathan Sixou, les gens viennent du monde entier pour admirer Paris illuminé. Ah, la ville lumière sensationnelle, Christophe Charles. Justement, il y a cet imaginaire parisien. Mais là aussi, nous sommes dans une discordance des temps entre le moment où cet imaginaire est pensé et là où il est reçu, où il vit encore, alors que la ville elle-même n'offre peut-être plus autant de possibilités. Oui, c'est l'effet retard, comme d'habitude, puisque je cite au début un texte de Goethe où il est encore évidemment sous l'emprise du souvenir des Lumières, mais au sens philosophique, hein, puisque lui était un lecteur de Diderot, de Rousseau, de Montesquieu. Et donc pour lui, Paris, c'est encore ça. C'est encore la ville où la pensée s'est émancipée, où on a essayé de chercher, de penser le monde autrement. Et en fait, au moment où il dit ça, c'est en 1832, on est dans une autre séquence. On est au moment des Saint-Simoniens, on est au moment du socialisme utopique, on est au lendemain de la révolution de 1830, on est au moment de l'émergence du romantisme au théâtre ou en peinture. Évidemment, c'est plus du tout le monde de Goethe qui est un classique parmi les classiques. Donc, vous voyez, on pourrait dire cette image de Goethe est complètement obsolète, mais en même temps, c'était l'image qu'avaient les Allemands à l'époque, et ils venaient à Paris avec l'image que Goethe leur avait donnée. Heine, ensuite, va faire des ouvrages très connus sur Paris. Évidemment, il va donner l'image nouvelle, l'image révolutionnaire, qui fait rêver d'autres Allemands et qui viennent à Paris parce que c'est la Mecque de la Révolution, et ainsi de suite. À chaque génération, on a toujours un effet décalage entre le discours de certains qui sont connus et puis ce que les lecteurs en voient et vont ensuite se représenter de cette ville. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec le tourisme, évidemment, où quand on va voir ce que vont voir les touristes, c'est évidemment un peu un Paris de carte postale qui n'est pas tout à fait le Paris que nous vivons, nous. Ah, ça, c'est pas notre Paris, c'est sûr. On vient du monde entier, d'ailleurs, pour voir Paris d'Allemagne, évidemment, mais aussi du Brésil. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Deux fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise, des diamants dans ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres et 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune en mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme folle. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio. Ah, Dario Moreno, l'air du brésilien dans la vie parisienne d'Offenbach et dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Edig avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yaha. À Paris, Paris capitale, capitale au pluriel, Paris ville complexe qui attire énormément. C'est vrai que Offenbach, c'est une vitrine de Paris, Christophe Charles, l'air du Brésilien qui arrive et qui dépense et qui rencontre de jolies jeunes femmes. C'est un cliché, mais qui fonctionne. Oui, bah d'ailleurs, c'est une œuvre qui a été représentée dans le monde entier, donc tous les gens qui l'ont vu ont imaginé Paris avec ce regard d'Offenbach. Enfin, d'ailleurs, il faudrait citer aussi les deux auteurs, Mélac et Halévy, qui sont les auteurs quand même des paroles, même si évidemment sans la musique, ces paroles seraient un peu banales. Mais le message, c'est quand même ces deux auteurs, donc il faut rappeler les noms quand même. Et puis, au moment de réfléchir à Paris, Jonathan Sixou, il y a votre démarche, qui est celle d'un curieux sérieux qui explore Paris. Vous l'explorez dans Capital, vous avez déjà exploré alors une partie de Paris dans Rayé de la carte, hein, sur les traces du Louvre oublié. Et dans cette balade parisienne à la recherche des traces du passé, êtes-vous conscient, comme nous sommes tous victimes de nos propres fantasmes, de nos propres imaginations, d'être à la recherche de quelque chose qui peut-être n'a jamais existé, d'un Paris fantasmé? Il y a une part de fantasme, de désir, et évidemment, Xavier Mauduit, dans cette quête, dans cette recherche qui pourrait finir par devenir quasi abstraite finalement. Et pour revenir à ce que vous disiez, Christophe Charles aussi, sur les transformations du baron Haussmann, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'il modernise, modifie considérablement le visage de Paris, et qui n'a à ce moment-là, à l'achèvement de ses travaux, qui durent beaucoup plus longtemps que lui, plus du tout le visage d'une ville médiévale, d'une ville 18e ou même du début du 19e. Et il invente une esthétique parisienne qui, pour la France, pour l'étranger, demeure l'esthétique de Paris. C'est une sorte de Paris, et l'expression d'ailleurs haussmannisée lui est quasi contemporaine du baron, par les commentateurs du temps. Et il y a cette chose assez fascinante d'avoir inventé un Paris sur un ancien Paris. Il a beaucoup détruit, mais du fait des matériaux employés, du fait d'un sens inouï des proportions également, même si les avenues sont très larges, c'est un Paris avec de grandes percées qui n'avaient jusque-là jamais existé dans le temps. Il y a cette chose assez fascinante, d'autant plus fascinante qu'il y a ces grands axes qui sont tracés, c'est de nouveaux lotissements qui sont édifiés, mais si vous faites quelques pas de côté, vous retombez dans un Paris 18e, vous retombez dans un Paris 17e, vous pouvez, à quelques encablures du boulevard Saint-Germain, découvrir, retomber du côté de l'abbaye, dans le Paris de la Révolution française. Vous pouvez comme ça cheminer différemment en sortant de ces grands axes balisés par le Paris du 19e, retomber comme par des trappes magiques, des trappes dérobées, dans un Paris beaucoup plus ancien. Donc il y a effectivement une part de fantasme, une part de rêve, mais ce rêve est palpable. Ce rêve est visible par endroits, et quand on ne peut plus le voir, parce qu'il a bien évidemment par moments totalement disparu, il reste la littérature, il reste les arts, et il reste la musique aussi, puisque Paris, c'est ça qui est assez unique dans l'histoire, même s'il y a eu des artistes et des chansonniers dans le monde entier, Paris, du fait de son attractivité, du fait de sa poésie, même si la vie dans la ville a été dénoncée depuis le plus haut Moyen-Âge, Paris a toujours été une ville invivable, mais une ville que le monde entier a aimée par cette magie, par un filtre mystérieux qui a toujours inspiré magiquement, considérablement, les auteurs, les chansonniers, les peintres et les écrivains et les poètes depuis l'Antiquité. N'importe quel visiteur de Paris, et souvent les Parisiens, c'est vrai qu'il nous arrive à tous, au moment de traverser un pont, de se dire « Tiens, c'est formidable ». Et là, l'historien Christophe Charles regarde ce filtre magique que vous évoquiez comme un objet d'étude possible qu'il est très très difficile de saisir, mais qu'avec toutes les données possibles, parce que dans votre approche, Christophe Charles, il y a toute forme de source. Il est possible de déconstruire ce fil pour essayer de le comprendre. Comment, en tout cas, il s'est fabriqué? Oui, parce qu'évidemment, tout ce qui a été décidé, que ce soit par Haussmann ou par d'autres grands réformateurs, est évidemment un enjeu de lutte entre différents groupes, puisque bon, Haussmann a eu la chance d'avoir derrière lui, évidemment, un souverain qui avait un peu les mains libres et qui pouvait donc faire des décisions qui avaient des réalités rapides, alors que évidemment aujourd'hui, on sait très bien que maintenant, il y a tellement d'acteurs qui agissent pour décider quoi que ce soit, que ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, quand on déconstruit tout ce processus, plus, on voit à l'œuvre une société, hein, entre ceux qui effectivement veulent des belles avenues parce que c'est prestigieux, et puis ceux qui disent oui, mais les grandes avenues, c'est dangereux pour les révolutions, etc. Il y a ceux qui veulent des espaces verts, et puis il y a ceux qui disent non, il faut rentabiliser le mètre carré parce que chaque mètre carré à Paris coûte plus cher qu'ailleurs, etc. Donc on a toujours des luttes politiques, des luttes sociales autour de ces enjeux. Et puis il y a des enjeux esthétiques, évidemment Haussmann avait une certaine esthétique assez classique, avec ses balcons aux mêmes étages, avec ses immeubles qui avaient un gabarit proportionnel à la largeur des rues, et après 1870, on en a eu assez un petit peu de ce modèle, et on a laissé un peu les façades devenir plus autonomes, avec ses balcons qui avancent, avec ses verrières, etc. Donc il y a toujours un débat, et on voit bien que selon les quartiers, c'est une esthétique ou une autre qui domine, et puis il y a les nostalgiques qui veulent reconstruire un Paris médiéval, puisque au moment de l'exposition de 1900, Robida, donc le dessinateur Robida, a créé un Paris médiéval complètement carton-pâte au bord de la Seine pour que les gens réimaginent leur ville comme elle était avant Haussmann. Donc on voit bien qu'il y a toujours des luttes symboliques et des luttes politiques autour de tous ces enjeux. Énormément de débats toujours autour de Paris. C'était, paraît-il, le bon temps. Quelques-uns s'en souviennent encore. À Paris, au début du siècle, aux environs de 1900. Presque déserts encore, les beaux quartiers voient monter la lumière fameuse qui dore la pointe de l'obélisque et non loin ce monument, chef-d'œuvre, disent les uns, abomination, crient les autres, la tour de Monsieur Eiffel. Elle a soulevé lors de sa construction les protestations furieuses d'un bon nombre de gens très bien. Baroque, mercantiles imaginations, toutes nos architectures rapetissées disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Monsieur Eiffel est très inquiet. Mais si les officiels ont commencé par protester un peu avant l'exposition de 1900, la chanson populaire, en revanche, a accepté la tour. Elle s'en est amusée, attendrie. La tour est désormais une parisienne. Paris 1900, ce sont des chroniques choses vues en 1968 autour de Paris. Jonathan Sixou, au moment d'évoquer Paris, là nous entendons des gens qui râlent sur la tour Eiffel. Il y a aussi dans la recherche documentaire, alors là, c'est gigantesque, mais une grande part laissée à la surprise. C'est toujours intéressant, vous nous l'avez dit, d'imaginer une rue que nous connaissons bien, comment elle a pu être, ou alors ce qu'il reste des temps anciens, ou ce qui s'y est passé. Vous intéressez? Écoutez, c'est bête à sous, mais aux chiens de Paris. T'es très étonné en lisant ça. Tous ces chiens qu'on ne savait pas quoi en faire. Mais ça, c'est aussi hors de nos représentations mentales. En tout cas, pour ma part, je n'imaginais pas une ville de Paris peuplée de chiens. Ça m'a paru évident, voulant parler des Parisiens et de la vie des Parisiens dans leur ville, d'évoquer également leurs meilleurs compagnons. Et c'est vrai que les chiens sont tellement indissociables qu'on peut ne plus les voir. Regardez les gravures de Jacques Callot, rares sont les vues de Paris où il n'y a pas un chien au premier plan qui se balade et qui fait ses besoins au nez des passants. Je raconte l'histoire du cimetière des chiens d'Anières, et puis il y a une existence canine méconnue et qui est très très touchante, c'est la pierre tombale minuscule de Coco qui se trouve dans le jardin de l'hôtel de Seignelay, rue de Lille, qui était le chien qu'on avait donné aux enfants de France qui étaient enfermés à la prison du Temple et qui est même parti en exil à Vienne avec Madame Royale et qui est revenu. C'était un très vieux chien qui est revenu à la restauration, et Madame de Tourzel, qui était elle aussi d'un certain âge, a inhumé le chien Coco dans ce jardin de l'hôtel de Seignelay. Il y a une très jolie plaque qui fait quelques dizaines de centimètres de côté à peine, où on nous dit que c'est le chien de Marie-Antoinette, mais c'est le petit chien de Madame Royale. Et c'est une anecdote parmi d'autres, mais c'est vrai que ce sont dans ces détails-là qu'on peut aussi toucher un quotidien qui nous est tellement évident qu'on finit par ne plus le voir. Oui, on touche au sensible sur ces choses-là. Et puis là, on parle d'un chien globalement bien traité parce que c'est un massacre de chiens dans ce Paris ancien. Eh bien, il finit par y avoir beaucoup trop de chiens. L'humain a fini par avoir beaucoup trop d'amis. Et c'est le Second Empire qui va commencer d'ailleurs à particulièrement bien encadrer l'empoisonnement des chiens et tout un système de ramassage des chiens errants, même s'il commence à se mettre en place à la fin de l'Ancien Régime. C'est vraiment le Second Empire qui va vraiment accélérer pour justement rendre la ville et les rues plus nettes, plus propres, plus ordonnées. Et les Parisiens vont commencer à s'en plaindre d'ailleurs, parce que le massacre, l'empoisonnement des chiens, le ramassage des chiens et la façon de les tuer est abominable. C'est pour cette raison que c'est dans les années 1845 que la Société de protection des animaux est fondée par des Parisiens qui n'en peuvent plus de connaître, je vais épargner à nos auditeurs, les conditions d'abattage de ces chiens, mais ça va être toute une course à l'évolution technique pour savoir comment tuer le plus de chiens possible et le plus rapidement, et ça va mettre un temps fou, puisque même encore à la Belle Époque, beaucoup de chiens sont tués sauvagement et par leurs propriétaires parfois. On compte le nombre de cadavres qui est jeté à la Seine par dizaines de mille chaque année. Christophe Charles, quand l'historien se saisit de cette atmosphère parisienne, là nous parlons au plus proche des gens, des chiens, il est très difficile dans l'étude de Paris, nous le sentons bien, de jouer sur une vision de haut, administrative, et puis de descendre par le bas. Vous attaquez par le bas, par les gens, par ce quotidien. Et ces ensembles de petites anecdotes, de narrations diverses, de témoignages, permettent de construire, mais non pas une vision de Paris, c'est pour ça qu'il y a un S à capitale, c'est autant de visions de Paris. Oui, et puis selon évidemment les groupes sociaux, parce que ces chiens, on peut imaginer que c'est quand même des gens déjà qui sont d'un certain milieu, qui peuvent s'offrir un animal de compagnie, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et inversement, il y a toute une faune, indépendamment de ces chiens, qui vit au sein de la ville. Je me souviens encore, quand j'étais enfant, il y avait encore une ferme, pas très loin d'où j'habitais, où on allait chercher du lait, parce qu'il y avait encore un élevage avec des nourrisseurs, qui fournissait du lait dans le quartier. Et ça a duré très longtemps, cette inclusion d'animaux domestiques. J'ai entendu l'autre jour à la radio qu'on était en train de refaire cela maintenant dans certaines villes, de rapprocher. Bon. Et évidemment, ça crée des nuisances, pas seulement ce qu'on imagine, les crottes de chiens, mais il y a ces centaines de milliers de chevaux aussi qui circulent dans la ville, puisqu'ils ne sont remplacés que quand même tardivement, pas avant l'arrivée des tramways et du métro. Donc c'est quand même tout à la fin du 19e siècle. Et évidemment, ces centaines de milliers de chevaux qui vivent dans la ville produisent évidemment des tonnes et des tonnes de crottins. Ça suppose un personnel de balayage, un personnel de voirie, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est une ville dans la ville qui doit être organisée pour essayer de faire face à cette accumulation. Donc il faut effectivement faire tenir dans ce portrait aussi bien la très grande politique, voire la politique internationale, que des choses assez désagréables à évoquer évidemment, mais qui font partie du quotidien et des nuisances de cette ville. L'historien doit lutter contre la représentation imposée par le pouvoir, notamment quand Napoléon III, Haussmann, décide d'offrir une vitrine d'un Paris idéalisé. Faut prendre la petite rue à côté pour aller voir ce qui reste du Paris. Et il faut lutter aussi, Christophe Charles, contre les représentations des Parisiens eux-mêmes, parce que au moment d'évoquer les fermes, d'évoquer les vaches, le lait à Paris, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une vache pour avoir du lait frais quand on a du mal à transporter le lait. Il n'y a pas encore des frigos. Il n'y a pas les frigos. Mais tout cela est oublié parce que la mémoire ne va pas conserver ce genre de petits détails. Vous l'avez conservé, mais vous êtes historien, Christophe Charles. Oui, et puis surtout, on lit les grands auteurs, on lit certains journaux, on lit certaines sources qui sont nostalgiques, parce que quand les gens racontent leur vie au passé, ils embellissent évidemment ce qu'ils ont vécu, et l'historien doit toujours revenir à d'autres sources plus proches du réel, plus proches en tout cas de la période en question, pour éviter d'être faussé par tous ces souvenirs qui font écran et qui nous donnent une image effectivement un peu aseptisée. Hein, c'est un peu, je cite dans mon livre le film de Woody Allen, Minuit à Paris, vous savez, où des personnages sont tellement nostalgiques de certaines époques que dans certaines scènes, ils passent de l'autre côté du miroir et ils revivent le Paris de Toulouse-Lautrec ou le Paris des Américains des années 20 qui vivent dans une bohème idéale. Et évidemment, on voit bien comment le cinéma peut nous faire vivre à l'envers, hein, dans un autre temps, alors que, bien sûr, c'était pas vécu de la même façon du tout par les contemporains. Christophe Charles, vous êtes l'auteur de Paris fin de siècle, culture et politique, de capitales européennes et rayonnement culturel, du temps des capitales culturelles, et puis ce livre qui vient de paraître, Paris capitale des 19e siècle, et puis parmi vos travaux, vous avez dirigé ma thèse, je vous en remercie encore, mais justement... J'ai été très honoré. Non, mais c'est moi. Paris fin de siècle, par exemple, c'est il y a un petit moment, c'était en 1998. Aujourd'hui, vous retravaillez sur Paris. Les approches sont vraiment différentes, en fait. Oui, Paris fin de siècle, c'était plutôt une histoire intellectuelle où je me concentrais sur certains groupes, les artistes, les écrivains, les universitaires, et j'essayais de comprendre pourquoi à ce moment-là, c'était un peu en prolongement de mon précédent livre sur Naissance des intellectuels, il y avait eu cette nouvelle fonction des intellectuels dans cette ville, de protestation, de mise en cause du pouvoir, on dirait aujourd'hui de veilleur d'alerte, de lanceur d'alerte, et j'essayais de comprendre pourquoi c'est à ce moment-là que cette nouvelle fonction spécifique s'était mise en place autour, un peu avant ou autour de l'affaire Dreyfus. Là, j'ai évidemment voulu élargir très largement le regard, en prenant en compte la société, l'économie, la politique, la vie interne, mais aussi la vie internationale. Et évidemment, c'est une sorte de testament, puisque je suis très vieux maintenant, et une espèce de synthèse des synthèses que des travaux que vous avez cités, parce qu'il me semblait que comme on est en ce moment même en train de vivre une nouvelle révolution pour Paris, avec la notion de Grand Paris, c'est un peu analogue à ce qu'on avait vécu avec Haussmann qui fait passer Paris de 12 à 20 arrondissements. Là, évidemment, officiellement, on ne va pas passer de 20 à 30 arrondissements, mais de fait, le Grand Paris, c'est un peu la première fois où on envisage d'élargir les limites de Paris depuis 1860, donc c'est quand même pas rien. Il a fallu beaucoup d'années, alors que des grandes villes comme Londres ou Berlin ont annexé leur banlieue il y a bien longtemps, hein, puisque le Grand Londres et le Grand Berlin, c'est le début du XXe siècle. Donc on voit bien que nous sommes dans un moment charnière. L'autre exemple, c'est évidemment l'incendie de Notre-Dame et le retentissement incroyable que ça a pu avoir en France, mais au-delà. Et donc on voit bien que Paris, comme la France d'ailleurs, mais Paris étant une sorte de concentré de la France, vit un moment tournant. Et donc je me semblait que c'était intéressant de faire revivre d'autres moments tournants du 19e siècle, qui étaient un peu des préfigurations, en tout cas des anticipations de ce que nous sommes en train de vivre sans nous en rendre compte en fait. Jonathan Sixou, justement, vous aussi, dans votre capitale, cette notion de tournant est au-delà même de toute forme de considération politique extrêmement conjoncturelle, eh bien, c'est ce qui pousse à réfléchir à Paris. Et c'est toujours quelque chose qui est émouvant de se rendre compte de tout ce que le présent porte de passé. C'est vraiment, ça, c'est une démarche que je trouve extrêmement saine, en fait. Juste donner à voir le passé dans le présent. Que le présent soit incarné, si je puis dire, que le présent corresponde à quelque chose. Monsieur Charles parlait de nostalgie il y a quelques instants. La nostalgie est aussi j'allais dire quasiment une démarche en soi qui est très enrichissante et qui permet d'emprunter des chemins que d'autres comportements, d'autres approches ne permettraient pas d'avoir. Ça permet aussi qu'on est quelque peu insatisfait de certains temps qu'on peut vivre, de voir Paris différemment, se tourner derrière soi, de regarder dans le rétroviseur des époques qui, de leur pour beaucoup de contemporains d'alors, ne devaient pas être très rigolotes non plus, mais qui, avec le passé, justement, le regard de l'homme d'après, permet d'appréhender le présent d'une façon beaucoup plus riche. Et je reviens sur cette idée d'incarnation, cette idée de diversité d'idées et de référence, encore une fois. Et Paris le permet, l'histoire de Paris le permet. Quand je dis cela, je pense à ne serait-ce qu'une façade d'immeuble, une rue. Vous pouvez avoir des références artistiques, littéraires, politiques. C'est innombrable. Une ville qui se lit, et vous avez raison, Jonathan Sixou, d'insister sur le fait que par le passé, nous conservons sans doute toujours d'ailleurs le meilleur, en tout cas ce qui aujourd'hui nous semble étant le meilleur du passé, et que pour certains, c'est vrai que c'était pas le meilleur. Le ventre de Paris, ce sont les Halles. Les Halles centrales que l'on vient de construire en ce début du Second Empire et qui sont pour Zola le symbole de la prospérité et de l'engraissement de la bourgeoisie. D'une bourgeoisie qui a tout abdiqué, y compris la liberté, pour pouvoir mieux créer et digérer ses propres richesses. Florent, le proscrit, Florent, le doux poète, qui a payé par des années de Cayenne une lutte d'un jour, Zola le fait revenir, évadé, dans la charcuterie de son frère Quenu, au milieu de ses Halles, de ces monceaux de nourriture, de ces appétits commerçants, de tout un monde de lâcheté et d'intérêts sordides. Le maigre parmi les repus, parmi les gras, belle opposition, oui, mais grosse du drame. Car, dans la lutte des gras et des maigres, ce sont toujours les maigres qui ont tort. Le ventre pourra désormais ruminer à son aise. Les bedaines de Quenu et de Monsieur le Bigre se ballonner pleines et heureuses au soleil de l'Empire. Le rue se poursuivre à la nourriture grasse et à la belle digestion tranquille. Zola, peignant Lisa la charcutière à ce mot terrible, elle était douce, parce qu'il faut être douce pour bien digérer. Le ventre de Paris d'Émile Zola, présenté dans l'émission Heure de culture française en 1958. Ah, Christophe Charles, c'est bourreau d'entendre ce commentaire sur Zola, mais c'est ça aussi, cette fracture majeure qui fait de Paris, qui a longtemps été la capitale rebelle, aujourd'hui une ville qui peut accueillir des gens qui viennent parfois de loin pour protester. Mais reste-t-elle rebelle ? Alors oui, c'est un peu ça aussi, si on suit le fil politique dans mon livre, on a effectivement cette première séquence des années 1830-1848 jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, où on a effectivement une ville toujours en éruption, enfin en tout cas qui proteste et qui essaye de se faire entendre et qui ensuite est rappelée évidemment à l'ordre de façon assez brutale pendant la période suivante. Et puis on a cette nouvelle éruption avec la Commune, et puis alors là cette répression terrible qui va donner l'impression qu'on a définitivement coupé la tête de l'hydre révolutionnaire, pour employer des expressions de cette époque. Mais en réalité, c'est ce que j'essaye de montrer dans le chapitre politique, Paris utilise d'autres moyens. C'est un changement de pied. La révolution, ça marche plus. La barricade, c'est plus possible avec les canons. Donc, il faut essayer de se faire entendre autrement. Et on a le grand âge des manifestations. Paris devient la capitale des manifestations. Ce qu'elle n'était pas, elle était un peu. Mais maintenant, c'est devenu vraiment le moyen de se faire entendre. Alors, ça a laissé moins de traces, évidemment, brutales et de violence. Mais ça a quand même fait avancer toute une série de grandes causes. Et ça continue, évidemment, au XXe siècle, comme l'a montré Daniel Tartakovsky dans son livre sur les manifestations à Paris. Donc il y a une espèce de Paris qui sert de vitrine aux protestations et qui utilise maintenant les grandes avenues d'Haussmann justement pour montrer sa force, en tout cas dans les manifestations les plus réussies, ça va jusqu'en 68 ou jusqu'en 95. Donc là il y a un changement, mais évidemment c'est moins spectaculaire que les barricades, c'est moins violent, mais c'est une autre fonction politique qui commence à se manifester dans la dernière partie du 19e siècle. Une de toutes ces fonctions de Paris que nous évoquons, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut creuser sans cesse parce qu'il y a un univers à construire, à créer, c'est notre histoire et c'est notre imaginaire. Merci beaucoup à vous, Jonathan Sixou. Capital, sans S, c'est aux éditions du Cerf. Et merci beaucoup Christophe Charles, Paris, Capital, avec un S, des 19e siècle. Votre éditeur, non mais vraiment ses éditeurs, il a mis un bandeau inédit, une histoire monumentale de Paris. Mais... Oui, je dois me gêner un peu. Mais il avait raison. Il ne faut pas hésiter. Sublime lecture. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Connaissez-vous Martin Guerre, l'homme qui avait perdu son identité ? Peut-être avez-vous vu le film de Daniel Vergne qui s'intitule « Le retour de Martin Guerre » avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye, tiré du livre de l'historienne américaine Nathalie Zemon Davis. Cette histoire a enflammé les imaginaires puisqu'elle a intéressé non seulement les cinéastes et les historiens, mais aussi les philosophes comme Leibniz et les écrivains comme Montaigne et Alexandre Dumas. Celui qui s'appelait au départ Martin Daguerre est né vers 1524 dans la ville d'Hendaye, au Pays basque français. En 1527, sa famille quitte la côte atlantique et s'établit dans le village pyrénéen d'Artigat, où elle change de nom pour s'appeler Guerre. En 1548, à l'âge de 24 ans, Martin Guerre décide de quitter son village en abandonnant son fils et son épouse Bertrande parce qu'il est accusé d'avoir volé du grain. On perd ensuite sa trace. Mais 8 ans plus tard, un homme surgit à Artigat prétendant être Martin Guerre. La plupart des villageois et même sa femme semblent persuadés qu'il s'agit bien de l'homme qui les a quittés 8 ans plus tôt. Il lui ressemble physiquement et il connaît parfaitement l'histoire du village et de ses habitants. Le nouveau Martin Guerre reprend la vie commune avec Bertrande et leur fils. 2 filles naissent de ses retrouvailles dans les années suivantes. Toutefois, dans le village et même au sein de sa famille, certains doutent qu'il s'agit du même homme. En 1559, un soldat démobilisé passant par Artigat confirme leurs soupçons, en affirmant que le vrai Martin Guerre, engagé dans l'armée, a perdu une jambe lors du siège de Saint-Quentin. Ce témoignage enclenche le processus qui aboutit au procès tenu à Rieux en 1560. Jugé coupable d'usurpation d'identité, l'accusé fait appel. Un nouveau procès est alors organisé au Parlement de Toulouse, au cours duquel interviennent les plus grands juristes du royaume, dont Michel de Montaigne. Au moment où le magistrat instructeur est en train de conclure qu'il n'y a pas eu usurpation d'identité, le vrai Martin Guerre fait son apparition, amputé d'une jambe. Le faux Martin Guerre avoue alors qu'il s'appelle Arnaud Dutille, un homme de réputation douteuse, issu d'un village situé à une 50aine de kilomètres d'Artigat. Il sera finalement condamné à mort pour avoir volé l'identité d'un autre. Pourquoi Bertrande a-t-elle gardé le silence jusqu'à ce que l'usurpateur soit démasqué? Pourquoi le vrai Martin Guerre a-t-il attendu si longtemps avant de réapparaître? Ces questions ont suscité une multitude de commentaires depuis le XVIe siècle. D'un point de vue socio-historique, le plus important, c'est de rappeler qu'à cette époque, l'identité des personnes était encore difficile à démontrer, car les preuves écrites faisaient souvent défaut. Martin Guerre est né une 15aine d'années avant que François Ier ne signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Cette ordonnance impose l'usage de la langue française dans les actes officiels du royaume, mais elle ordonne aussi aux curés de tenir les registres paroissiaux consignant par écrit les baptêmes et les sépultures. C'est la première étape dans l'histoire de l'identification administrative des personnes qui aboutira au décret du 20 septembre 1792 concernant les registres d'état civil dans lesquels nos identités sont toujours consignées aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, Marion Dupont, Anne Toscan-Biudès et Sophie Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes ainsi que le pourquoi du comment de Gérard Noiriel sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.